bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy. L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Allô, allô, bienvenue dans le Lobster 160.0. Et oui, de retour pour un nouveau Lobster. Et cette semaine, j'ai rêvé. Oui, j'ai beaucoup rêvé. Et surtout, je me suis souvenu de mes rêves en me réveillant tranquillement le matin. Oh, mais avant de poursuivre, on a une nouvelle de dernière heure. Les nouvelles express présentées par votre détaillant SO. Dans une annonce surprise aujourd'hui, Donald Trump a dévoilé une nouvelle mesure protectionniste des plus inattendues. Une taxe de 25% par oreille pour chaque personne écoutant le Lobster. Les podcasts, c'est bien, mais ils volent l'attention des Américains honnêtes qui pourraient être en train de regarder mes discours. C'est injuste, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse où il a également tenté d'expliquer pourquoi les homards sont une menace pour l'économie nationale. D'après des sources proches du dossier, cette taxe s'appliquera même aux sourds, au cas où ils réapprennent à entendre un jour. En réponse, plusieurs auditeurs ont annoncé qu'ils allaient n'écouter le Lobster que d'une seule oreille pour économiser. Les experts sont sceptiques sur l'application de cette mesure, mais la Maison-Blanche aurait déjà lancé une enquête sur les fraudes auditives. On se retrouve à 23h pour des détails de ces manchettes et bien sûr d'autres nouvelles. À plus tard. Maintenant, je vous raconte mon rêve absurde. Premier rêve, j'étais en train de marcher pour me rendre au travail, puis je traverse le parc qui est juste après que j'ai débarqué du train. Moi, je débarque à la gare Lucien Lallier, puis là, après ça, on passe un peu comme devant IBM, puis après ça, il y a un parc. Puis là, le parc, il est comme en carré, puis je le traverse, puis j'arrive comme à une lumière. Mais là, qu'est-ce que je vois pas qui est en train d'attendre pour traverser à la lumière? Eh bien, les quatre gars du groupe Void Void. Donc, avec mes mains, je fais les cornes du diable. Là. Puis là, je crie. Puis là, les gars, ils se revirent puis ils sont contents que je les ai reconnus. Puis là, ils me saluent. On serre la main là, puis on se présente. Puis là, eux, bon, ils sont pas tout seuls. Ils sont avec leur équipe et ils me présentent leur équipe. Moi, dans tout ça, je retiens juste une chose. C'est Isabelle, c'est une fille de leur équipe. Je retiens juste ce nom-là. Là, les gars sont super gentils. Puis là, ils m'offrent. En plus de me signer une guitare. Là, je capote. Donc, j'accepte. Ils sortent une guitare, ils signent. Puis là, malheureusement, c'est le temps de traverser la rue. Donc, ils partent. Mais ils ne me donnent pas la guitare. Bon, vous allez dire, c'est bizarre. Là. Si tu signes une guitare, ben, tu pourrais m'en donner quand même. Mais je vous le rappelle, c'est un rêve étudiant. Bon, là, le rêve se poursuit. Moi, je suis toujours en train de marcher pour aller au travail. Mais là, c'est rendu le lendemain. Bon, là, je sais pas pourquoi c'est rendu le lendemain. Soit je marche pas vite, soit c'est bien long de me rendre au bureau. Bon, est-ce que j'ai passé la nuit à marcher? J'ai-tu dormi dans le métro avec les itinérants? Ça, je sais pas. Ça, je pense que c'est pas dans mon rêve. On est juste le lendemain. Donc, moi, j'arrive chez Desjardins, où je travaille. Puis Desjardins, le complexe, il est juste en face de la place des Arts. Donc, moi, quand j'arrive, je vois la place des Arts. Puis quand j'arrive dans ce coin-là, qu'est-ce que je vois qui se prépare à entrer à la place des Arts? Eh bien, ben oui, Voivode qui est encore là. Puis qu'est-ce que je fais? Ben là, je crie encore leur nom. Puis là, ils me font signe, ils me disent « Allô Fred! » Puis là, c'est là que ça commence à aller mal pour moi. Moi, j'ai pas retenu le nom des gars, puis je connais pas vraiment ce groupe-là. Mais tout ce que je peux dire, c'est « Hey, salut Isabelle! » Puis là, les quatre gars de Voivode, ben eux, ils écrasent derrière. Mais quand même, Isabelle, elle me fait un beau sourire. Elle me prend par le bras, puis elle me dit « Viens au spectacle avec nous! » Puis je dis, ben, dans ma tête, je me dis, ben, c'est une bonne idée. Puis là, je sais pas comment. Ben, je me retrouve sur la scène de la Place des Arts. Je suis comme en arrière. Le spectacle symphonique de Voivode, il est commencé. Puis moi, je suis comme en arrière le rideau, où sont leurs guitares, puis les affaires, là, les gens qui les aident. Puis là, moi, je suis en train de regarder les affaires en entendant la musique. Puis là, je vois une belle guitare spéciale. Mais c'est pas une guitare, c'est une sitar électrique en fait, là, elle a comme un gros manche là, qui est plus large. Puis je passe devant, ben je m'apprête à passer devant, puis c'est là qu'Isabelle, elle m'attrape par le bras, puis elle me dit « Non, non, non, passe pas devant. » Puis là, le guitariste de Voivode, à ce moment-là, il passe au travers du rideau. Lui, il était sur la scène avant en train de jouer. Il passe donc le rideau, il dépose la guitare qu'il avait, puis là, il se met juste devant un sitar électrique, puis là, ça déclenche de quoi? Il y a un genre de mécanisme, puis la guitare, elle fait comme lui sauter des mains, puis là, il est déjà prêt, il retourne en avant, continuer son spectacle avec sa sitar. Donc, moi, je me dis, j'ai été chanceux, là, si j'avais passé devant la sitar, là, d'une certaine façon, ben j'aurais comme déclenché ce mécanisme-là, puis je me serais ramassé là, avec la sitar en main là, qui aurait pu gâcher quelque chose. Puis là, paf, je me réveille. Ouais, là, j'espère que vous trouvez ça triste. Moi, j'étais triste de me réveiller à ce moment-là. Ben en fait, c'est ce que je me souviens du rêve, là. Personnellement, j'aurais aimé ça savoir comment ça se terminait avec Isabelle. Le matin où j'ai rêvé à ça, ben, je suis resté dans mon lit plusieurs minutes là, pour me mettre le rêve en tête. Là. Je trouvais ça drôle d'avoir rêvé à Voivode. Puis j'ai essayé de me le rappeler comme il faut là, pour le fixer dans ma mémoire. C'est un des trucs, là, ils disent quand tu te réveilles doucement le matin, là, si tu veux te rappeler ton rêve, ben faut que tu te le repasses. Puis là, les détails ils te reviennent en tête. Puis là, après ça, j'ai essayé d'analyser tout ça. Bon, la référence à Voivode, c'était assez facile là, dans mon rêve. Parce que la veille, j'avais écouté un reportage de Radio-Canada là, sur leur passage à la Place des Arts. Là. Ils interviewaient celui qui joue du drum. Donc, la référence venait de là. Puis pour la Isabelle, ben, dans ma tête, la fille me disait de quoi. Mais bon, c'était un peu flou. Mais je savais que je l'avais déjà vue. Donc, j'ai pris le temps là, dans ma tête de la retrouver où je l'avais déjà vue. Puis j'ai trouvé. C'était dans le spectacle de Léa Strelinski que j'avais vu dernièrement à Place des Arts. Donc, vous voyez comment tout se mélange. C'était encore une affaire de Place des Arts. À ce moment-là, Léa était accompagnée d'un orchestre là, pour son spectacle. Puis moi, j'étais collé du côté droit de la scène. Puis quand les violonistes venaient jouer, ben, elle était juste à côté de moi. Puis là, la Isabelle que je cherchais, dans ma tête, c'était la deuxième femme qui jouait du violon devant moi. Je l'avais trouvée super jolie, là, la madame au spectacle, quand elle jouait. Mais là, je me suis dit, comment faire pour confirmer là, qu'elle s'appelle vraiment Isabelle? Parce que moi, en fait, je veux juste vérifier si mes rêves sont prémonitoires. Donc, juste vérifier si ça s'appelait vraiment Isabelle. Eh bien... Là-dessus, j'ai continué mes recherches et l'intelligence artificielle a vraiment fait fort. Au spectacle de Léa Strelinski, j'avais retenu qu'elle nous avait présenté deux sœurs polonaises là, qui l'accompagnaient un peu partout dans le monde pour ses spectacles. Puis il y en avait une au violon, puis l'autre à la contrebasse ou de quoi du genre. Mais je me souvenais pas de leur nom. Mais bon, j'ai demandé à ChatGPT, puis tout de suite, il m'a sorti que les jumelles qui accompagnaient Léa, et bien, c'était Natalia et Julia Kotarba. Une qui est violoniste et l'autre violoncelliste. Donc, j'ai pris ça, puis j'ai fait un search avec ces deux noms-là, plus Léa, puis là, Google m'a sorti le nom de toutes les gens de son orchestre. Puis là, j'ai juste eu à faire 2-3 recherches et je suis retombé sur la photo de la madame que je cherchais son nom. Et est-ce qu'elle s'appelait vraiment Isabelle? Eh bien non, c'était pas un rêve prémonitoire. La dame s'appelait Uliana Drugova. C'est un professeur à Montréal à l'école d'après ce que je vois Vincent Dindy. Donc voilà, je pense que j'ai été un peu trop loin là, pour analyser ce rêve, mais j'étais quand même curieux de savoir là, si elle se nommait Isabelle. Donc voilà pour ce rêve un peu idiot. On va écouter un petit peu de musique et après je vous raconte mon deuxième rêve. J'ai rêvé de mon ami Martin. Oui. Donc, je vous raconte ça au retour. Et là, pour partir en musique cette semaine, j'ai encore traîné un peu sur Internet, sur archive.org, puis je suis tombé sur des affaires... je suis tombé sur un film en premier, un film un peu bizarre, un film qui se nomme « À la recherche de l'ultra-sexe ». Je vous en parlerai au retour. Je l'ai écouté un petit peu, mais c'est vraiment, ça fait pas de sens. Je peux vous en parler tout de suite. En fait, c'est un film qui a été fait... je vois de mémoire, là. Je pense que c'est un film qui a été fait durant les années 60 ou 70. Non, plus tard que ça, 90. Parce qu'à un moment donné, les films pornographiques, il y a beaucoup de films qui sont tombés dans le domaine public, donc il n'y avait plus de droit dessus. Puis il y a deux personnes qui ont pris plein de bouts des vieux films des années 70, des films érotiques, puis ils ont essayé de refaire un nouveau film avec ça. Puis là, quand tu écoutes ça, c'est comme si que C'était des gens dans l'espace, parce qu'il y a des films érotiques un peu sur n'importe quoi. Mais là, c'est ça, dans le film À la recherche de l'ultrasexe, il y a comme des personnes dans l'espace qui recherchent un genre de gadget érotique et qui permet de faire je sais pas quoi, parce que j'ai beaucoup de films, là, c'était un peu... pas si intéressant, mais c'est juste que dedans, il y a comme des passes à la Star Trek. Là, à un moment donné, j'imagine qu'il y a eu des films qui étaient des parodies de Star Trek, puis eux sont allés piger là-dedans. Puis c'est ça, le film, eux qui ont fait, il est pas vraiment érotique. Ben oui, il y a des bouts, là, ils font l'amour, mais ils montrent pas les bouts où qu'on voit plein de choses. Là. Ils s'en tiennent à des bouts juste pour appuyer un peu le film, là. Mais en tout cas, ça fait un film bizarre. Si jamais vous voulez voir ça, ça s'appelle « À la recherche de l'ultrasexe », c'est sur archive.org aussi. Puis sinon, c'est ça, j'ai continué à faire de la recherche pour la musique, puis je trouve archive.org, là, les gens mettent beaucoup de musique là-dessus, puis c'est de la musique qui a encore des droits dessus, mais je sais pas, on dirait que les gens archivent plein de choses là, puis ça se fait pas effacer. Je suis tombé sur sur quelqu'un qui, lui, a fait les 1001 chansons qu'on devrait entendre avant de mourir. J'ai écouté ça en faisant de la peinture. Là, je peinturais mes poteries, mes petits perros cette semaine. Puis j'écoutais ça. Puis il y a beaucoup de choses que j'aimais. Puis qui me faisaient chanter. Puis c'est des musiques d'époque. Des musiques de l'époque de mes parents. Donc on va en écouter un petit bloc. Puis je les ai toutes choisies car elles ont toutes la particularité de m'avoir fait chanter. Puis même si tu connais pas la chanson, tu as juste besoin de savoir un ou deux mots, puis tu es capable de chanter. Pour la première, tu as juste besoin de savoir deux mots, ce qui sont « Only You ». Pour la deuxième, c'est « Dreams », le mot clé. Puis la troisième, c'est « Blue Moon ». Fait qu'avec ces quelques mots-là, ben tu connais quasiment toute la chanson. Donc « Only You »,« Dreams » puis « Blue Moon ». Allez, on se laisse aller, on écoute ça, puis on chante un peu. Only you can to make all this world seem right. Only you can to make the darkness bright. Only you and you. Dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream my arms when I want you, and all your charms whenever I want you. All I have to do is dream, dream, dream, dream when I feel blue in the night, and I need you to hold me tight whenever I want you. All I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream. Taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream. Without a dream in my heart, without a love of my own. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum dang a dang dang ding a dong ding boom boom boom. You knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really do care for. And then there suddenly. Dang it, dang, dang, ding it, dong, ding, boom. Bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, dang it, dang, dang, ding it, dong, ding, boom. De retour dans ce Lobster 160.0 spécial rêve et vieille musique. Ben, vieille musique, on va en mettre la plus récente bientôt. Avant de vous parler de mon deuxième rêve, voici le truc pour vous souvenir de vos rêves. J'ai lu un petit peu là-dessus. Le truc pour les retenir, ils disent tenir un journal de vos rêves. Ils disent, dès le réveil, notez tout ce dont vous vous souvenez. Écrivez en détail, gardez le journal à portée de main pour éviter d'oublier. Bon, moi, je fais pas ça, mais bon, je vous les raconte, ça revient au même. Ils disent, se réveiller en douceur, je pense que c'est ça le mieux. C'est ça le meilleur truc que dans tout ce que j'ai lu. Ils disent, évitez les réveils brusques qui effacent les souvenirs, restez immobile quelques minutes et laissez les souvenirs émerger. Moi, c'est pas mal ça que je fais quand j'ai rêvé le matin, puis que je veux m'en souvenir, eh bien, je reste tranquille dans mon lit. Puis comme ça me permet de me souvenir. Je me remémore les souvenirs dans ma tête. Puis je prends le temps, là. Des fois je peux prendre 10-15 minutes juste pour me dire « Ah oui, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. » Puis après ça me permet de m'en souvenir. Ça vient comme le marquer dans ma mémoire. Puis en plus, moi je fais plein de rêves récurrents. J'ai celui de la scène, c'est mon pire rêve. Celui-là, je le fais depuis que je suis jeune. Puis je le fais habituellement juste quand je fais de la fièvre. Donc c'est comme un détecteur de fièvre ou de quand je suis malade. Donc je le fais rarement. Je l'ai quand même fait 5-6 fois là, à date dans ma vie. Puis c'est toujours le même rêve. Je suis couché chez mes parents sur leur vieux divan brun, jaune, carotté. Puis là, il y a une grosse scène noire qui est dans le milieu du salon. Puis la scène est penchée un petit peu. Puis là, vu qu'elle est penchée, elle tourne, puis elle fait toujours le même cercle, vu qu'elle a comme elle a juste le bon angle, mais la scène est immense. Puis là, elle veut m'écraser. Fait que là, moi, je sors du divan, puis je me mets à courir. Mais moi, je cours en rond dans le même cercle qu'elle fait toujours. Donc, j'ai la scène noire qui me court après. Bon, c'est ça. Je sais pas ce que ça signifie, mais c'est un peu ridicule. Surtout de le refaire et de le faire. Ils disent un autre truc, le troisième truc pour se rappeler de ses rêves. Ils disent se conditionner avant de dormir. Ils disent, dites-vous avant de dormir, je vais me souvenir de mes rêves. Je le fais quelques fois, ça. Quand j'ai lu ce truc-là, je l'ai fait pendant une semaine de me dire, ah, demain, je vais me souvenir de mes rêves. Je sais pas si ça marche ou pas. Mais moi, je pense que c'est le fait de se réveiller dans nos rêves, comme dans la période où on rêve, ou de se réveiller tranquillement là-dedans. Moi, ce qui arrive, c'est que le matin, moi, je n'ai pas d'heure de réveil. Là. Je me réveille quand je suis prêt, puis je m'en vais travailler. Mais vu que mon garçon, il se lève plus tôt que moi, lui, il vient prendre sa douche vers 7 heures. Puis je pense que ça me réveille tranquillement. J'entends le bruit de la douche qui est collée après le mur de ma chambre. Puis là, je me réveille tranquillement. Fait que quasiment tous les matins, je me souviens de mes rêves. Donc, ça me permet de m'en souvenir de beaucoup. Ils disent 4, un autre truc, dormir suffisamment. Les rêves sont plus nombreux en fin de nuit. Un sommeil de qualité favorise leur mémorisation. Donc, ça aussi, c'est un facteur qui fait que je me souvienne beaucoup de mes rêves parce que moi, je dors quand même tout ce que j'ai besoin. Si je me couche plus tard une journée, ben, je me lève juste plus tard le lendemain vu que j'ai pas de réveil matin. Parce que dans le fond, vu que je travaille dans la maison, je fais juste descendre de ça. Puis je suis toujours devant mon ordi pour 8 heures. Sinon, si je me couche plus tard puis je me lève plus tard, ben au pire, je commence à 9h puis je finis plus tard le soir. Donc voilà. Sinon, ils disent éviter l'alcool et les écrans avant de dormir. Ça, je sais pas si c'est un bon truc. Moi, je bois pas d'alcool, mais les écrans avant de dormir, ben moi, j'écoute sur mon téléphone cellulaire quasiment tous les soirs des émissions dans mon lit avant de m'endormir. Là, je suis en train d'écouter South Park. Je suis rendu saison 4. J'écoute ça sur Pluto.tv, je vous l'avais dit. C'est gratuit. Puis après ça, juste avant de m'endormir, j'écoute toujours un petit peu Kaamelott. Kaamelott. Ouais. 6, truc numéro 6, repasser son rêve mentalement. Dès le réveil, rejouer votre rêve dans votre tête avant de bouger. Bon, ça, c'est ce que je vous disais que je fais. Quand je fais des beaux rêves, ben, j'essaie toujours de me rappeler. Puis celui d'Isabelle et Voigtvoigt cette semaine, ben, j'étais quasiment fâché de ne pas avoir eu plus long. Là. Je me disais pourquoi je me suis réveillé aussi rapidement avant la fin. Moi, c'était sur le point d'aboutir là, avec Isabelle. Mais bon, ça sera pour une autre fois, j'imagine. Je sais pas si je vais rêver à eux ou à elle. Maintenant, bon, mon rêve avec Martin. Cette semaine, j'ai rêvé à mon ami Martin. Bon, j'avais vu dernièrement mes trois amis. Là, on avait joué avec Martin, Nicolas, Étienne. On avait joué à Magic de Gatoring. On avait joué à Commander, là. Deck de 100 cartes. Une carte différente, toutes des cartes différentes. Puis bon, je me suis dit, c'est sûrement de là que vient mon rêve. Dans mon rêve, ben, c'est bizarre. J'arrive à la boutique où je joue toujours aux cartes le vendredi soir. Là, moi, je joue à Star Wars. Puis bon, je joue à Star Wars en boutique. Et puis en entrant dans la boutique, qui que je vois pas, ben je vois Martin qui est assis là. Bon, je suis surpris. Martin, il vient pas jouer à la boutique. Là. Quand on joue, on va jouer chez Étienne. Donc, la boutique est trop loin de chez lui. Mais bon, Martin est là. Il joue à Magic avec une fille. Donc, je vais le voir. Puis, je dis, comment ça va? Puis là, je vois, il est comme gêné. Ben, il dit, je joue à Magic. Ben, ça, oui, j'avais deviné. Là. Puis là, il se lève avec la fille. Puis, il s'en va plus loin pour continuer à jouer. Donc, je comprends pas trop. Mais bon, je le laisse faire, vu qu'il veut pas me parler. Moi, je vais voir les autres joueurs. Il y a une autre gang qui, eux, sont en train de démarrer un tournoi de Magic. Le genre de tournoi de Magic où tu ouvres un paquet, puis tu le passes à la personne à côté de toi. Ben, en fait, tu ouvres ton paquet, tu choisis une carte que tu veux garder qui va servir dans ton deck, puis après ça, tu passes à l'autre. Puis évidemment, tu reçois un autre paquet, tu reprends une carte, puis tous les paquets font le tour comme ça, puis on ouvre 5-6. Bref, je vois ces gens qui font ça, puis je leur demande « Ah, est-ce que je peux moi aussi jouer? » Puis là, ils hésitent parce qu'ils allaient commencer. Puis là, je lui dis « Ben, je sais jouer, là. Je joue depuis le début de Magic. » Parce que à la boutique, j'ai jamais joué à Magic. Je joue plus pour Star Wars, là. Magic, je joue avec mes amis. Bon, finalement, ils me disent « Ok, va payer, puis viens jouer. » Mais au lieu d'aller payer, je retourne voir Martin puis la fille. Ben, puis je devrais dire la jolie fille, là. Puis là, je décide, ben, je sais trop pas pourquoi, d'impressionner la fille. Je sors mon plus gros deck de Magic, puis je lui montre que toutes mes cartes sont roses. Bon, ici, ça fait aucun sens, parce qu'il n'y a pas vraiment de cartes roses dans Magic. Mais bon, je lui sors une carte. Il y a une carte, c'est une basilic, là. C'est quand... c'est une carte en vert, puis quand on bloque avec tout ce qui a été touché et tué, là. Mais bon, dans mon jeu, dans mon deck, la carte est rose. Mais bon, la fille n'est pas intéressée par mes cartes roses, et... le rêve s'arrête là. Bon, encore un rêve que j'ai pas pris le temps de, que, voyons, qui s'arrête un peu trop rapidement, mais que j'ai quand même pris le temps d'analyser. Bon, pour la boutique Magic, c'est facile, je joue là le vendredi. La dernière fois que j'y avais été joué, ben il y avait justement un tournoi de ce type-là, là, que passe le paquet à l'autre, donc c'est ça, j'imagine, qui fait que j'ai rêvé à ça. Puis nous, pendant qu'on jouait la dernière fois là, à Star Wars, on entendait tout le temps dire: vous êtes prêts? On passe à gauche. Donc, dans mon rêve, ça vient sûrement de là. Puis la belle-fille, je ne sais pas c'est qui, mais bon, d'après moi, c'est la femme du propriétaire. Elle travaille là le vendredi, puis quand même, elle est très, très jolie, là. Donc, voilà, j'ai pas mal compris d'où venaient toutes les références dans ce rêve, mais je me demande qu'est-ce qu'il pourrait bien vouloir dire, parce qu'il y en a qui aiment ça, là, les évaluer ou leur trouver une signification. Donc, j'ai écrit ce que j'avais rêvé, je l'ai donné à ChatGPT, puis j'ai dit « Analyse-moi ça ». Puis voici ce que ChatGPT, l'intelligence artificielle, me donne comme interprétation. Il dit en 1, la boutique est le tournoi de Magic. Eh bien, ton rêve est fortement inspiré par une expérience récente. Cela montre que cet événement a marqué ton esprit, probablement parce que tu aurais aimé participer. Effectivement, les tournois de Magic, ça me manque. J'en ai fait dans le temps. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des vrais tournois. Peut-être que je vais recommencer à en faire. On verra. Deuxièmement, ChatGPT me dit « Martin et son attitude distante ». Eh bien, Martin représente peut-être une partie de toi ou une personne qui t'étonne par son comportement inhabituel. Il semble gêné de te voir. Cela peut symboliser une crainte de jugement ou une distance entre vous. Puis là, il dit « Il s'éloigne quand tu arrives, ce qui pourrait refléter une crainte d'être exclu ou un sentiment d'incompréhension dans certaines interactions sociales. » Donc, je sais pas, je m'entends bien avec mes amis. Je pense pas que c'est lié à mes amis, mais bon, c'est l'interprétation de ChatGPT. En 3, l'envie d'impressionner la fille. Tu cherches à capter son attention avec des cartes roses qui n'existent pas dans Magic. Cela peut symboliser une tentative de te démarquer ou d'être spécial, mais qui ne fonctionne pas comme prévu. Cela pourrait refléter une insécurité ou un doute sur la façon dont tu te présentes aux autres, en particulier face à quelqu'un qui t'attire. Mais bon, j'ai un gros doute sur cette interprétation. Je ne suis pas quelqu'un qui essaye d'impressionner vraiment. Moi, je fais plus les affaires pour moi-même. C'est sûr. Bon, oui, je suis célibataire en ce moment, mais je cherche pas d'amis. Je suis pas à la recherche de rien. Donc, je sais pas. Cette interprétation-là, là, j'essaie d'être spécial, mais ça ne fonctionne pas comme prévu. Je pense pas que ça me représente. Mais bon, c'est juste ChatGPT. 4. Les cartes en rose. Un élément absurde et marquant. Les cartes roses qui n'existent pas symbolisent peut-être un désir de briser les règles ou d'innover dans le cadre déjà défini. Elles pourraient aussi indiquer un décalage entre tes attentes et la réalité. Mais ça fait un petit peu de sens. Peut-être le bout qui dit peut-être un désir de briser les règles, parce qu'en ce moment, comme je vous disais, que j'ai déjà parlé dans d'autres Lobsters, je suis en train de développer moi-même un jeu qui est basé sur Star Wars et basés, qui reprennent des éléments de Magic, parce que Magic a tout inventé les bases, et maintenant on a le droit de réutiliser ces bases-là, ce n'est plus protégé là, par les brevets ont expiré, et je reprends des éléments aussi de Star Wars, il y a de différents jeux que je connais, là, à laquelle j'ai joué ou que j'ai essayé, donc tout ça, Melting Pot dans mon nouveau jeu, donc peut-être la portion innovation vient de là. 5, il reste une dernière interprétation, thème général du rêve. Ce rêve pourrait parler d'un sentiment d'exclusion ou d'un besoin de validation dans tes cercles sociaux. Tu cherches à participer à un événement, le tournoi, mais il y a d'abord une hésitation. Puis là, je réfléchissais à ça, puis j'ai dit, c'est peut-être en fait lié au football, l'interprétation de ça, parce que j'ai été invité chez Martin à aller jouer à aller écouter le match du Super Bowl. Puis là, j'hésitais entre y aller ou pas, parce que moi, je connais pas le football. Puis chaque année, je me demande, j'y vas-tu ou j'y vas pas? Puis encore cette année, je n'y vais pas, parce que, bon, je parlais de football. Aller à une soirée football quand tu n'as jamais écouté le football, c'est difficile. Il faudrait qu'ils fassent des tournois de lutte à la place. Moi, je réécoute sur Netflix les WrestleMania. Hier, j'ai scanné le WrestleMania 4. J'ai vu 1, 2, 3, 4. Puis, dans le 3, c'est Macho Man contre The Giant. Je me rappelle plus son prénom. Puis hier, c'était pas ça qui était en finale. C'était deux gars. Je pense que c'était Macho Man. Mais là, Andy the Giant était comme... Ah, c'est ça, Andy. Andy the Giant, il était comme le manager d'un côté, puis l'autre bord, il n'y avait pas de manager. Puis là, à un moment donné, vers la fin, c'est Hulk Hogan qui arrive. Hulk Hogan avait battu Andy the Giant dans WrestleMania 3. Puis là, c'est lui qui arrive, il vient coacher lui de l'autre bord. Puis moi, je pensais qu'il allait se battre les deux un contre l'autre, puis finalement, non. Puis c'est celui que Hulk Hogan coachait qui gagne finalement. Bref, mais bientôt, je ne pourrai plus les écouter. Bon, depuis que Trump nous fait chier avec toutes ces histoires qui font pas de sens, là, j'ai décidé, bon, moi, je vais participer à la guerre contre lui. Donc, je me suis désabonné de Netflix. C'est pas vrai que je vais encourager une compagnie américaine pendant que l'autre, il nous fait chier. Fait que, c'est fait, je me suis désabonné, donc je ne pourrais plus écouter vraiment j'aimais ça quand même. Sur Netflix, il y a beaucoup de... Tu sais, je vous parle des films coréens que j'écoutais ou les films indiens, là, comme La Patal Lady, que j'avais écouté et qui est tellement magnifique. Mais bon, je l'ai enregistré, celui-là. Je le garde pour être sûr de pouvoir le réécouter quand je veux. Puis justement, j'ai reçu... Ben, je pense que je vous en ai parlé, j'ai reçu une lettre de Vidéotron. Quand je l'ai téléchargé, j'avais oublié de démarrer mon VPN. Puis là, ils me disent que j'ai téléchargé un film illégalement. Mais bon, je n'ai déjà reçu plein de lettres comme ça avant. Mais le mieux, c'est d'ouvrir mon VPN. Puis une fois que le VPN est ouvert, ben, ils ne peuvent pas savoir que je télécharge. Mais j'avais oublié au moment de le télécharger. Je ne savais pas qu'il envoyait encore ce type de lettre-là. Ce genre de lettre-là, je n'avais reçu beaucoup dans là, 20 ans, disons. Quand j'habitais encore à Montréal, puis je connaissais pas c'était quoi un VPN, je téléchargeais quand même plein de musique, plein de films, puis dans ce temps-là, ils envoyaient une lettre. J'en ai reçu au moins 4 ou 5. Puis ils disent pas c'est quoi, mais ils disent de télécharger quelque chose qui brise les droits d'auteur. Puis souvent, vu que moi je suis toujours abonné avec Vidéotron, ben ils faisaient super attention aux musiques des albums de leurs artistes, parce que Vidéotron avait comme une agence où ils mettent de l'avant certains artistes, là. Bon, bref, on s'en fout. Finalement, bon, voilà. On a fini de parler de mes rêves. Je n'ai fait beaucoup encore des rêves cette semaine, mais rien de marquant. Mais souvent le matin, je me réveille, puis bon, je prends le temps de me rappeler ces rêves-là. Bon, de quoi je voulais vous parler? Ah oui, c'est le temps de notre segment Courrier du cœur. Ben oui, que je me suis abonné à l'affaire de Postcrossing, où ce qu'on envoie des cartes postales un peu partout dans le monde, puis là on en reçoit en retour. Je vais essayer de trouver mon album, je me suis acheté un album, ah il est là. Puis là j'en ai reçu, je suis rendu à 6-7 de reçus. Bon, la première que j'avais reçue, c'était une de Walt Disney, ma première c'était un dessin de Tarzan, c'était une carte postale de Walt Disney, elle venait du Japon. Elle venait de Karen, mais celle-là, je vous l'ai lis. La deuxième que j'ai reçue vient des États-Unis. Elle est vraiment belle. C'est marqué Theodore Roosevelt, Parc national du Dakota du Nord. Puis ça dit « Bonjour, mon nom est Smiley et je suis un étudiant qui fait son master à Washington, la capitale des États-Unis. J'étudie en études légales et en forensic psychologie. Forensic, je ne peux pas le traduire par cœur, je ne sais pas. Dans mes temps libres, j'aime visiter les musées. Je vais faire du camping et j'écoute de la musique. Bonne année. A été envoyé le 10 janvier. Il faisait 29 Fahrenheit à ce moment-là. Puis il y a un beau thème qui dit Osiris Rex, Return to Earth. Ça a l'air d'être un satellite. Ou de quoi de SpaceX. La troisième que j'ai reçue, ah oui, elle vient d'Allemagne. Le thème, c'est comme un ballon de montgolfière. Ça dit « Bonjour Frédéric, greeting from Germany. » Bon, bonjour de l'Allemagne. Aujourd'hui, c'est Noël et il est un petit peu tard le soir quand je commence à écrire cette carte. Je vous souhaite un joyeux Noël. J'espère que vous avez du bon temps. Mes meilleurs souhaits. Il se nomme André. C'est peut-être un garçon ou une fille. La quatrième que j'ai reçue, c'est encore une carte qui vient du Danemark. Mais celle-là, c'est une carte de meet-up. C'est les gens, ils sont rencontrés en Allemagne. Ils ont fait une journée de rencontre de tous ceux qui envoient des cartes postales. C'était le 29 septembre 2024. Ils s'étaient fait faire une carte postale Post-Crossing qui est écrite dessus. Puis là, dessus, il y a plein de gens qui ont signé avec les tampons. Pardon, qui se sont faits. Alex, Michaela, Dwashnut, Pinker Fossil, c'est celle qui m'a envoyé la carte. Puis elle a un gros tampon avec son nom, puis un tic dessus. Mais elle a rien écrit, j'aurais bien aimé. Elle a juste écrit « Bonjour Frédéric, je suis Alexandra de l'Allemagne. » Puis son nom là, sur le site, c'est Pinker Fossil. L'autre que j'ai reçue est très belle aussi. Ben, ils sont toutes belles. C'est une madame, c'est comme une vieille toile ancienne, puis c'est une dame qui se balance. Elle vient de où, celle-là? Oh oui, elle vient de loin, celle-là. En plus, celle-là, elle vient du Bélarus, mais nous, au Canada, j'ai vérifié, on n'a même pas le droit d'envoyer de lettres là, parce qu'à cause des sanctions économiques qu'il y a en ce moment contre la Russie, puis le Bélarus, c'est là que Poutine il met certaines de ses armées là, au Bélarus pour attaquer l'Ukraine. Ben, il y a des sanctions économiques, puis on n'a pas le droit d'envoyer de courrier là. C'est pour éviter que des gens envoient des choses qui ont besoin liées à l'armement, j'imagine, ou tout ça. Fait qu'ils ont bloqué. Nous, on ne peut pas, mais on peut en recevoir. Donc, mon nom a sorti quand cette personne-là a demandé à qui j'envoie ma prochaine carte postale. C'est mon nom qui est sorti, puis elle m'a envoyé une lettre. Ça dit « Bonjour Frédéric, je vous souhaite de warmest greeting. » Bon, de chaudes salutations du Bélarus. Puis là, elle a nommé le nom, c'est Minsk. Je vous souhaite une bonne année de post-crossing. Puis la personne s'appelle Ala. Puis ça a été envoyé le 28 du 12, juste un petit peu après Noël. Et la dernière que j'ai reçue, c'est marqué, on voit une maman ours avec trois bébés ours. Ah ben, j'avais même pas remarqué que c'était des ours. Je pensais que c'était des écureuils la première fois que je l'ai checké. Parce qu'on voit comme les fesses de la maman ours, puis ça faisait comme une queue qui ressemblait à une queue d'écureuil. Puis je pensais que c'était un gros écureuil, mais c'est trois bébés ours. Ça dit Suomi, Finlande. C'est une carte de la Finlande. Puis il y a beaucoup de choses décrites. Ça vient de la ville de Jensa. C'était envoyé le 11 janvier 2025. Bonjour Fred, mes meilleurs souhaits de la Finlande. Je vis à Jensa, une petite ville dans le milieu de la Finlande. Je vis là avec mon mari. Nous sommes tous les deux retirés à la retraite. J'aime lire et écouter de la musique. Dernièrement, j'ai lu D.A. Owens, je ne sais pas. C'est le nom de la personne qui a écrit. J'ai lu D.A. Owens, puis son livre il s'appelle Where the Crawdads. Je ne connais pas. Where the Crawdads Sings. OK. Nous avons... eu un peu de neige ici. La nature est vraiment belle. Aujourd'hui, c'est moins 7 degrés Celsius. Aujourd'hui, je vais skier. Je te souhaite un bon hiver. Mes meilleurs souhaits pour l'année 2025. Et c'est marqué Annie. Donc, je vous traduisais à mesure, là. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est un peu chaotique. Donc, voilà. Moi, j'ai toujours 6 cartes postales qui sont en route. J'en ai en route vers la Belgique, Taïwan, Allemagne, Chine, Australie puis Grèce en ce moment. Pour celle de la Grèce, en plus, je lisais dans la parce que quand tu cliques pour avoir le nom à qui d'envoyer une carte, tu tombes sur son profil. Puis là, la personne, elle écrit des choses comme moi, j'ai un profil où ce que je dis, que j'ai fait de la poterie, que je fais de la poterie, qu'est-ce que je fais dans la vie, puis un peu tout ça. Où ce que j'habite. Puis la personne en Grèce, elle me disait qu'elle a dit qu'elle reçoit le courrier seulement deux fois par mois. Le facteur passe dans son village juste deux fois par mois. Puis je trouvais ça quand même bizarre. Tu sais, nous, on est habitués ici à avoir le service tous les jours là, à la maison, de cinq jours semaine, donc au Canada. Donc c'est bizarre en Grèce quand même, deux fois par mois. Donc c'est ça qu'elle disait. Elle dit, ne vous inquiétez pas si je n'enregistre pas vos cartes rapidement parce que je ne les reçois pas rapidement. Donc voilà pour mes cartes postales. On s'est écarté un petit peu. Donc on repart en musique. Je sais pas qu'est-ce que je vous mets, mais j'ai plein de choses. Attends, je peux toujours cliquer pour regarder qu'est-ce que je voulais vous mettre. Ah oui, je voulais mettre de la musique de musique de film que j'ai écouté. Qu'est-ce qu'on met? Non, on va y aller avec Oral Vampire. C'est une musique de Dark Wave Surfer, c'est le nom de la chanson. Je pense que c'est un peu métal, mais un peu avec des synthétiseurs. En tout cas, on découvre ensemble. J'avais mis ça de côté. On le redécouvre ensemble. Bon, on est déjà de retour. Au diable la musique, j'ai encore des choses à dire. En fait, j'ai écouté la musique que je voulais vous faire jouer, puis c'est vraiment de la merde, c'est vraiment pas bon. Donc, Oral Vampire, vous irez l'écouter vous-même si vous voulez, c'est très, très mauvais. Je sais pas pourquoi j'avais mis ça de côté. J'ai vu que c'était comme du métal synthétiseur japonais, mais bon, à la réécoute, c'est pas très bon. Mais sinon, la musique que je viens de vous faire écouter, là, après avoir cessé de parler, là, j'ai monté le son pour la musique là, qui était en background. Et ça, c'est de la musique de film. De la musique que j'ai fait un Shazam en écoutant un film dernièrement. Mais en fait, c'est là, depuis deux jours, je suis en train de réécouter tous les films de, comment il s'appelle? Jared Hess. Jared Hess, né le 18 juillet 1979 à Preston, en Idaho, est réalisateur, scénariste et acteur américain. Mais pourquoi je réécoute ses films? Parce qu'il a fait des films quand même. Il y en a un qui est devenu culte là-dedans. Je ne sais pas si vous avez vu le film Napoléon Dynamite. C'est un film un peu champ gauche où c'est un jeune homme qui est à l'école puis il a tout le temps les yeux fermés un peu. Tu vois qu'il n'a pas le regard franc, là, mais c'est un nerd. Puis il habite en campagne, puis là, il se fait des amis. Non, il a de la misère à se faire des amis, il a de la misère à inviter une fille au bal. En tout cas, c'est toute une histoire. Je pense qu'on va écouter la bande-annonce qui va bien vous résumer un peu le style du film. On écoute ça, puis je vous en parle au retour pourquoi je suis en train de tout réécouter ces films-là. Être bon au ninchaku, ou bien au tir à l'arc, ou au piratage d'ordinateur. Ça a été à l'école? Ça a été un vrai cauchemar, qu'est-ce que tu crois? Quel genre de bicyclette tu as? C'est ton sledge en main. Waouh, t'as jamais essayé de faire des sauts avec un tremplin? Tu dessines quoi là? Un ligre. C'est quoi un ligre? C'est l'animal que j'aime le plus au monde. Pourquoi est-ce que tu transpires autant? Je répète pour rigoler. Tu es Shaela? C'est quoi cette épave devant chez moi? Ça, c'est mon véhicule. Donc, ça, c'est la bande-annonce du film de Napoléon Dynamite. Ça, c'est son premier film qu'a fait ce directeur-là, Jared Hess. En 2004, il y avait un budget de 400 000, puis le film a fait au box-office 46 millions, donc c'est vraiment un gros succès. C'est 10 fois là, sa mise de départ. que le film a rapporté. Puis c'est comme devenu un classique. C'est un film, bon, la bande-annonce est quand même assez dynamique, mais le film, il est quand même assez lent. T'écoutes ça, puis c'est, c'est relaxant. C'est juste des niaiseries. Mais des niaiseries qui se passent sur... qui vont pas vite à se développer. En tout cas, moi, j'ai adoré ce film-là. Mais la musique que je vous disais que j'ai entendu, que j'avais mis en background, ne vient pas de ce film-là. Elle vient du troisième film que ce directeur-là a fait. Il a fait le film Gentleman Bronco en 2009. Ça, je suis tombé par hasard un soir cette semaine. Je scannais des affaires, les vidéos là, dans Facebook. Puis là, je vois un film qui fait aucun sens. Tu vois des cyclopes qui se font tirer dessus par des chevreuils. Puis là, je vais avoir dans les commentaires pour pogner le nom. Puis là, ça me dit, c'est ça, c'est Gentleman Bronco 2009. Puis c'est un film de Jared Hess. Puis là, je vois que c'est lui qui a fait Napoléon Dynamite. Fait que j'ai dit, je vais l'écouter. Si c'est dans le même style, je vais adorer ça. Ce film-là, budget 10 millions, box-office 100 000. Échec commercial, mais le film il est bon. Ça vaut la peine de l'écouter. Tous ces films-là dont je vous parle en ce moment sont disponibles facilement. Là. Vous avez juste à marquer le nom du film, puis espacearchive.org. La version anglaise, les gens l'ont mis sur archive.org, puis tu as juste à cliquer, puis tu le démarres. Hier soir, j'ai écouté Napoléon Dynamite, mais j'avais écouté en premier Gentleman Bronco. En gros, l'histoire, c'est un jeune homme qui habite avec sa mère, qui est la femme, qui est la madame là, dans la mère de Stifler, qui est jolie là, dans Folie de graduation. Ben, c'est cette madame-là qui fait sa mère dans ce film-là. Puis eux autres, sa mère a fait sa mère, son travail, c'est de faire. Elle est comme couturière, puis elle veut faire des. Elle veut lancer sa collection de linge, mais tout ce qu'elle fait, c'est laid. C'est vraiment laid, puis c'est du linge de nuit. C'est comme des habillés, mais qui sont pas beaux. Tu ressembles à une citrouille quand t'es là-dedans, ou des affaires, ça fait pas de sens. Puis, c'est ça. Vu qu'ils sont pauvres un peu, souvent, lui, il va l'aider, là, le jeune homme là, qui est là-dedans. Puis là, lui, dans ses temps libres, il écrit des... il écrit des scénarios de films de science-fiction. Puis là, durant le film, il est comme écrit son dernier scénario, c'est une histoire qui s'appelle Bronco, c'est le nom du film. Puis ce héros-là, il se fait voler comme son pénis pour que les méchants ils réutilisent ça pour faire des soldats. Bref, mais ça, il n'en parle pas beaucoup, mais en gros, c'est une histoire de science-fiction. Puis le héros, il est toujours sur un chevreuil pour attaquer les cyclopes méchants. Puis là, durant le film, il nous montre des bouts de son scénario, mais en le filmant pour vrai, comme si c'était le film. Puis là, il se fait comme un ami. Une amie qui... parce qu'à un moment donné, il veut aller à un sa mère, elle l'envoie à un concours. Pas un concours. Comme une séance où ce que les gens ils travaillent pour parfaire leur écriture. Mais c'est plein de jeunes de partout qui viennent là. Puis il y a un des auteurs qui est là, qui était là à la présentation, qui lui vient montrer, qui est super connu, puis qui a fait des films de science-fiction, puis qui écrit des scénarios, qui fait des dessins. Puis là, il fait un concours, ce monsieur-là, puis il dit qu'il va donner un dessin à un des jeunes qui gagne. Bref, le jeune, il soumet son chose. Puis là, le monsieur, qui est en manque d'inspiration, va lui voler son scénario. Puis là, juste... lui, pour juste le modifier, dans son cours qu'il donne, il dit, pour changer des choses ou pour rendre des choses intéressantes, vous avez juste à ajouter anus au nom des gens pour que ça devienne des héros de science-fiction. Donc, le héros du jeune qui s'appelait Bronco devient dans son histoire à lui Bronco Anus. Puis là, il modifie toutes les affaires un peu. Ben, il garde le même scénario, mais il rend comme la personne un peu gay. Puis là, ça donne un film différent. Fait que là, durant tout le film, il nous montre des bouts comme si c'était le scénario du jeune homme ou le scénario de l'autre qui va filmer. Les deux vont finir par filmer le film en même temps. Puis là, le monsieur qui a volé son scénario va poursuivre le jeune homme, mais sa mère, elle est toujours fière de son jeune homme, puis à chaque fois qu'il écrivait un scénario, elle l'enregistrait, elle le faisait breveter ou je sais pas quoi, elle l'enregistrait auprès de l'organisme réglementaire aux États-Unis. Bref, son scénario à lui est enregistré, ferait qu'il va, à la fin, il va gagner contre le monsieur, mais en tout cas, c'est ridicule tout le long. Ça fait aucun sens. Mais ce film-là est très beau à écouter. Donc, c'est ça qui m'a relancé dans les films de Jared S. J'ai écouté Gentleman Bronco. J'ai adoré. Après ça, j'ai réécouté tout de suite après Napoléon Dynamite. Et là, j'ai vu qu'il a fait aussi le film Nacho Libre en 2006. Ça, c'est un film avec Jack Black. Film budget 35 millions, box-office 99 millions. Donc, trois fois son budget. Donc, c'est un succès commercial aussi. C'était son deuxième film. Le film aussi, Nacho Libre, est disponible sur archive.org. Juste mettre le nom plus archive.org, puis vous allez tomber sur quelqu'un qui a partagé comme 100 films. Là. Le gars, il a partagé Waterworld, nanana. Fait que tu fais juste choisir Nacho Libre, puis tu peux l'écouter. Lui, je ne l'ai pas écouté, je vais le commencer aujourd'hui en faisant de la poterie. Ça raconte l'histoire d'un... c'est Jack Black qui est... Il a l'air d'être un curé. Puis dans ses temps libres, il se déguise en lutteur pour ramasser de l'argent pour les pauvres. J'imagine, j'ai pas vu le film encore, là, donc je peux pas vous le raconter. Puis là, l'autre chose qui est intéressante, pourquoi je vous parle de Jared Hess, c'est quoi qu'il a fait d'autre comme film? Il a fait Don Verdean en 2015. Ça, je l'ai pas écouté non plus. C'est un échec commercial, budget 5 millions, puis qui a rapporté 32 000 $. Donc, échec commercial. Puis le cinquième qu'il a fait, Mastermind en 2016. 25 millions de budget, 30 millions. Celui-là, il a juste payé ses dépenses. Mais je vous parle de ce directeur-là artistique parce que c'est lui qui est en train de tourner le film de Minecraft. Et oui! Minecraft qui va sortir en avril de mémoire 2025. C'est un film avec Jack Black. Donc, c'est ça. C'est lui qui est en train de tourner ça. Donc, je suis en train de tout réécouter ses films. Puis là, lui, il réutilise souvent les mêmes personnes dans ses films. Donc, une personne qu'on a vue dans Napoléon Dynamite, ben il revient dans Nacho Libre, puis il revient dans Gentleman Bronco. Mais là, tu vois qu'ils ont vieilli. Puis j'ai l'impression, en plus, qu'ils se donnent des rôles. On le voit dans des caméos dans ses films. Donc, voilà. Je vous conseille là, d'aller réécouter ces films-là, surtout le Gentleman Bronco. Là. C'est tous des films qui sont lents, cependant. Les deux, là, Napoléon et Gentleman, tu écoutes ça, c'est des films de 1h40, 1h50, mais il se passe pas grand-chose, ça va lentement, mais c'est bon, parce que c'est un peu idiot. Donc voilà, là on part vraiment en musique, on va aller écouter quelque chose que je sais pas, mais ça devrait être bon, puis au retour, on continue à jaser dans ce Lobster 160.0. White flags out when the war begins. Aiming so high but springing so low. Trying to catch fire but feeling so cold. Holding inside and hope it won't show. I'm saying it's not but inside I know. Today's gonna be the day you notice. Cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Number 10 to 1, back then should've bit your tongue. Cause there's no turning back this path once it's begun. You're already on that list. Say you don't want what you can't resist. Waving that sword when the pen won't miss. Watch it all falling apart like this. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crowd, fire in the sunrise, ashes raining down. On vient d'écouter Heavy is the Crown de Linkin Park. C'est mon ami Martin là, qui m'a dit de jouer ça. Il écoutait la série Arcane sur Netflix. La saison 2 est arrivée et c'est une chanson, je pense, qu'il joue dans la série, puis lui, il aimait ça. Moi, j'ai débuté, je pense que je vous l'ai déjà dit, la saison 1, c'est la série qui est basée sur le jeu League of Legends. Je connais pas le jeu, mais mes enfants jouent, mais bon, moi, j'ai semi-embarqué dans la série. À un moment donné, dans la saison 1, il y a une des petites orphelines, là, elle se fait comme trahir. Ben, où elle a un sentiment de trahison, puis elle semble, à la fin d'un épisode, se joindre aux méchants. Puis là, j'ai arrêté. Là, moi, j'étais attaché au personnage, puis de l'avoir parti avec les méchants, là, j'ai dit « Oh non! » Puis là, j'ai arrêté là. Puis là, vu que je me désabonne de Netflix, ben, c'est la fin de ça. Je pense pas le télécharger pour l'écouter. Donc, voilà pour la chanson de Martin. Sinon, on a aussi mon frère qui voulait participer au Lobster 160. Il m'a envoyé des statistiques, lui. Oui, mon frère, il trie beaucoup de Lego en ce moment. Durant le temps de Noël, le cadeau qu'il avait fait à son garçon, je pense que c'était 20 sacs de Lego, des sacs de 1 ou 2 livres. Là. En tout cas, plein de Lego. Puis, ils sont en train de jouer là-dedans. Il trie ça, il s'amuse avec. Puis, il m'a envoyé des statistiques. Voici ce qu'il m'a dit. J'ai fait le tri. Après décompte, notre population de personnages Lego se trouve à être de 401 individus. En plus de 2 robots, 4 chevaux, 2 Pères Noël et 1 handicapé à chaise roulante, tu seras heureux d'apprendre que 4,4% de la population est naine. Donc, 18 individus de petite taille vivent chez moi. En m'accordant une marge d'individus égarés ou dans des véhicules de 25 à 30 personnages, une population moyenne de nains se trouve donc démographiquement entre 3,5 et 5,5% total. Ce n'est pas officialisé par Statistique Canada, mais ça donne une bonne idée. Toujours numéro 1, tout est super génial! Oh, trop bien, j'adore cette chanson! Tout est super génial! Tout est cool quand tu joues dans la même équipe! Donc, c'est ça, c'était son petit message là, que je voulais vous lire. Donc, selon ces statistiques, les personnes de petite taille, bon, lui, il a dit population naine, là, un peu de manière irrespectueuse, sans y penser, mais pas ça. Donc, 3,5 à 5,5% de personnes de petite taille, c'est comme ça qu'on doit les nommer. Moi, j'ai croisé ces données-là avec ceux du monde réel. D'après ce que je peux lire, le pourcentage de personnes atteintes de nanisme est d'environ 0,1% de la population, soit une personne sur 10 000. Cependant, si l'on considère simplement les personnes de petite taille sans condition médicale, en général, environ 2 à 5% de la population qui se trouve en dessous du 5e pourcentile en termes de taille. Donc, on arrive aux mêmes statistiques. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Donc, il y a... par le théorème du nain barbu, en fait, il vient de corréler sans le savoir, puis de confirmer que la population de personnes de petite taille dans le monde de l'ego correspond à ceux dans le monde de la vie normale. Puis ça, c'est quand même assez inquiétant. Car si mon frère a vu juste pour les mini-tailles, ça veut dire que... Bon, attendez, je vous remets ce que je viens juste de dire quand je l'ai cité. Ça, je ne l'ai jamais fait, là, rejouer de quoi que je viens juste de dire. Je vous le rejoue, essayez de saisir ce qui est important, puisqu'il vient de prouver là, quelque chose. Donc, on va écouter ce que je viens de dire. Essayez de saisir la portion importante. Ça m'excite. En plus de 2 robots, 4 chevaux. 2 Pères Noël. Et 1 handicapé à chaise roulante. Ça m'excite. Donc... je sais pas si vous avez saisi le bout important, là, mais si ces stats sont bonnes et reflètent la réalité, il y aurait 2 Pères Noël? Ah ah! Mais là, bon, je pensais que c'était ça le bout important. Mais 2 Pères Noël, ça fait du sens. Il y a le Père Noël rouge, mais c'est qui le deuxième? C'est le vert. Donc, bon, il vient juste de prouver avec ses stats Lego que le Grinch existe. Donc, je pense que vous êtes tombé dans le panneau, là. Vous n'avez pas trouvé la bonne chose. On réécoute. Essayez de trouver le passage important dans ce qu'il a dit. On réécoute. Ça m'excite. En plus de 2 robots, 4 chevaux, 2 Pères Noël et 1 handicapé à chaise roulante. Ça m'excite. Donc, je pense qu'on l'a bien entendu, c'est les handicapés en chaise roulante. Donc, si la population Lego est vraiment le reflet de notre société, seulement 1 handicapé Lego. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup dans notre société de gens qui utilisent les parkings d'handicapés là, sans être vraiment handicapés. Donc, moi, je vous dirais, prochaine fois que tu vas au IGA, attends un petit peu dehors, puis quand tu vois qu'il y a un handicapé là, qui se parque dans le parking, c'est probablement, qui utilise les parkings là, pour handicapés, c'est probablement un faux. Donc moi, je vous dirais, un petit coup de pied dans une béquille, ou tu t'en renversant en chaise roulante, juste pour vérifier là, si c'est vraiment un handicapé. Tu sais, 99% des cas, ça devrait être faux. Donc, il y a très peu de chances là, que vous ayez tort. Donc, ça va permettre de libérer les places pour ceux qui en ont vraiment besoin. On fait ça pour ça. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Ah oui, je voulais vous reparler des films Napoléon puis Bronco Gentleman. J'avais oublié de vous dire que dans Napoléon Dynamite, si vous le réécoutez, la fille là, qui tombe un petit peu amoureuse de Napoléon, qui se nomme Beth, B-E-T-H, eh bien, c'est cette fille-là, c'est elle qui a fait la petite fille dans le film Waterworld. C'est elle qui avait un genre de tatouage, là, une carte là, qui permettait d'aller sur une terre, bref. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Et tantôt, quand j'ai parlé de ces films-là, j'ai oublié de vous passer la bande-annonce de Gentleman Bronco, juste pour vous donner le goût de l'écouter. Donc, on va l'écouter, puis vous allez voir, là, la musique est vraiment bonne. Ce que j'ai mis en background, c'était de la musique de Bronco, de ce film-là. Donc, on écoute leur bande-annonce. Benjamin, je veux te présenter Dusty. J'ai remarqué que tu n'as pas d'amis. Alors, je t'ai inscrit au programme d'ange gardien de la paroisse. Ta mère, elle est super canon. Si je me débrouille comme il faut, peut-être qu'un jour, je serai ton ange gardien pour de vrai. Bonjour à tous les à domicile. Tu vas vraiment adorer. C'est le meilleur stage d'écrivain de tout l'État. Je vous présente un des plus grands auteurs de science-fiction de notre époque. Ronald Chevalier. Je présume que vous adorez écrire de l'héroïque fantasy. Et les noms des personnages de vos histoires sont en souffrance. Mais ça ne fait rien, n'ayez donc crainte. Il suffit d'ajouter Onius, Enus ou Anus à pratiquement tout et ça deviendra magique. Quand est-ce que tu vas me laisser lire une de tes nouvelles? J'ai laissé ma mère en lire quelques-unes, mais ça l'a fait pleurer. Tu peux lire ça. Bronco et Vanaya lancèrent leur assaut contre l'usine de levure. Je suis ton soldat. J'irai droit au but. Si vous ne nous donnez pas quelque chose qui vaille le coup, nous allons devoir vous rendre votre liberté. Bronco. Je peux faire mieux que ça. Broncanus. Pardonne-moi. Des cyclopes là. Des cyclopes là. Des cyclopes là. Des tourelles. Oh ma sainte merdasse. Des dindes de sécurité. Je les déteste. C'est fantastique. J'ai signé le bon à tirer. Oh, mon Dieu, c'est le nouveau bouquin de Chevalier. Tu m'as volé mon histoire. C'est trop fort. Tout ce que tu as fait, c'est changer les noms des personnages et faire de Bronco un travelot. C'est d'un ridicule. Youpi ! Pourquoi pas descendre et venir te battre d'un homme ? Emparez-vous-en. S'il y a bien une chose que je déteste, c'est le plagiat. Je suis complètement stressé, je n'arrive même pas à me concentrer sur ma narration de livre audio. Donc voilà, c'est fait pour ça. Et on va conclure ce Lobster avec la bande-annonce du film À la recherche de l'Ultra Sex, dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Là, je viens d'aller lire le wiki du film pour être un peu plus factuel là-dessus. Donc, ça dit quoi? Ça dit « À la recherche de l'ultrasex », c'est un film français écrit, réalisé et doublé par Nicolas Charlet et Bruno Laverne, sorti en 2015. C'est ça qui est drôle dans le film, en fait. Ils ont pris des scènes des films érotiques pour en faire un genre de film qui est potable, mais ils ont refait les voix en leur faisant dire des choses là, qui fit avec leur film, puis c'est ça qui a rendu un peu le film un peu cool. Donc, synopsis du film. Le film s'appuie sur des archives de films X des années 70 et 1980 qui ont été déclassifiés par le FBI. Le film est une c'est quoi que le FBI vient faire là-dedans? Peu importe. Le film est une comédie avec de la science-fiction parlant d'une intervention de la Confédération intergalactique sur Terre après la disparition de la matrice sexuelle universelle, l'ultrasex qui gère la libido des humains. Donc, comme je vous disais, dans ce film-là, c'est ça qui est drôle. Il y a des scènes, t'es comme dans Star Trek. Parce que, tu sais, il y a une théorie qui dit si... comme il existe par exemple Star Trek en série, donc il y a une théorie qui dit si ça existe en série, ça existe en film pornographique. Donc effectivement, il y a eu des films pornographiques de Star Trek, des films pornographiques avec des robots. Donc eux, ils ont été chercher ces bouts-là dans ces films-là pour refaire un film comme Intergalactique. Puis c'est ça qui fait que le film est drôle. Puis là, ils disent genèse du film. Le 4 novembre 2014, pour ses 30 ans, Canal Plus confie à des personnalités historiques de la chaîne des programmes originaux. Bon, puis c'est là qu'ils font le film de 62 minutes. Et ils disent après avoir visionné environ 2500 films X vintage datant de 1974 à 1995 et interrogé des employés de l'industrie pornographique, les deux réalisateurs assurent le montage et le doublage eux-mêmes. Puis j'ai été voir, bon, c'est ça que ça dit un peu sur le film, puis j'ai été voir, j'ai demandé à ChatGPT c'était quoi le box-office, puis il n'y a pas vraiment de box-office sur le film, c'est pas accessible, mais il me dit le film a acquis un statut culte en France avec de nombreuses projections à guichets fermés dans diverses villes, notamment Paris, Lyon, Romain, Toulouse. Des projections régulières ont eu lieu au cinéma Le Luminor à Paris, où le film était programmé tous les samedis soirs durant l'été 2016 et 2017. Donc voilà un film que vous pouvez trouver en tapant dans Google à la recherche de l'ultrasexarchive.org. Vous tapez ça, puis vous tombez direct sur le film, vous faites play, puis vous l'écoutez. Puis donc, pour terminer, ben, pour vous donner le goût de l'écouter, on termine avec sa bande-annonce. Sur ce, bonne semaine aux lapseurs et à toutes les personnes de petite taille qui nous écoutent. Et surtout, on n'oublie pas cette semaine notre mission de démasquer le plus de faux handicapés possible pour libérer les places de parking au IGA qui sont utilisées par des faux handicapés. Donc, on kick de la béquille cette semaine. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce message à caractère pornographique. Les auteurs et réalisateurs Nicolas et Bruno sont fiers de vous présenter... Moustapha, vous pouvez faire la reine, Madame Fichard ? Oui, tout à fait, Madame Abdelatif. Du rire. Je vais te poser des questions pour mon enquête en dessinant les lettres des questions sur mon pantalon. Du sexe. Ah, oh bah ça y est, oh là là, vous êtes tout trempé du slip. Eh ben voilà. Oh, je suis désolé. Oh. Bah oui, en plus, j'adore ce slip. Du rire et du sexe. Ici, les JO de Toronto, où les candidats sont complètement partis en cacahuètes. Alors Jean-Michel, je ne sais pas comment s'appelle cette figure, mais c'est absolument superbe. Du rire sexe. Alerte à tous les spaceships, il faut absolument retrouver l'ultra-sexe. Alors bonne chance, Jean-Jérôme. Surtout, ne tirez pas! D'accord! Attention! Quelqu'un a volé l'ultra-sexe et le tiendrait en otage sur la vision spatiale non identifiée! Cible en vue! À la recherche de l'ultra-sexe! Mais au fait, qu'est-ce que c'est que l'ultra-sexe? Un film à la fois sexy et rigolo, entièrement doublé avec la bouche! Général, il faut absolument retrouver l'ultrasexe dans les plus brefs délais, ou notre pauvre Terre deviendra totalement obsédée du cul. Une expérience unique au monde, à vivre bientôt dans votre salle de cinématographe. C'est vraiment très très excitant. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Ever higher, but I flew too high. you cry no more. No! Nous sommes sur le bassin de Chicoutimi, un endroit qui fut victime durant l'été 1996 d'une terrible inondation due à l'effondrement d'un barrage de castors. Comment avez-vous fait pour réagir face à ces castors dévastateurs ? Oh, c'était pas drôle du tout. Hein. Quand c'est arrivé, là, vous vous dites que tout le monde cherchait quoi faire. Hein. Est-ce que vous avez chassé les castors après cette inondation ? Non, attends un peu. On va reprendre ça parce qu'il n'y a pas de chasse aux castors ici. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'ils construisent ces barrages, ces bêtes-là? C'est difficile à répondre parce que c'est notre emblème, l'emblème du Canada, qui est le castor. Juste pour vous corriger, c'est pas été un barrage de castor qui a cédé. C'est les barrages d'Alcan, des entreprises, qui eux autres sont bâtis des barrages pour pouvoir effectuer de l'énergie pour les industries. C'est des barrages d'Alcan? Oui, c'est des barrages d'Alcan. On va la refaire. C'est bon. Nous sommes sur le bassin de Chicoutimi, un endroit qui a souffert durant l'été 1996 d'une terrible inondation due à un barrage d'Alcan, petit animal qui construit des barrages un peu partout ici. Qu'est-ce que vous avez fait pour lutter contre les Alcan? Ce qui est nous autres, là... Ça s'est détruit, des cure-dents dans un grand bassin. Vous stockez les cure-dents dans un grand bassin? Pas tout à fait. Tu comprends tout ce que tu veux, toi. Les trois barrages sont plus en amont sur la rivière. Les barrages d'Alcan? Oui, les barrages. Eux, ils sont... le débit nous permettait d'avoir une plus grande... Mais vous les avez pas supprimés depuis? Vous n'avez pas chassé les Alcan? Non, les Alcan, c'est une compagnie, ça, Alcan. Pour la petite histoire, il y a 30 ans, lorsque la mère de Céline Dion a accouché et a crevé les os, ça a créé déjà des premiers dégâts, une première énorme inondation. Vous lui en avez pas voulu personnellement? Non. C'est mon enfant, les bonnes aujourd'hui. Même si je suis un bleuet de nature, c'est ça-là je la connaissais fort. Vous êtes un bleuet parce que vous portez un t-shirt bleu? Non, je viens du lac Saint-Jean. Le lac Saint-Jean, il y a beaucoup de bleuets. On peut-tu arrêter là 30 secondes, chef? C'est quoi cette affaire-là? Merci aux habitants de Chicoutimi pour leurs explications. Et comme ils me l'ont souvent dit, la la la, t'es donc ben gigon. Ce qui pourrait se traduire en français par ne danse pas dans ton bain, ça va déborder.